tu te dis conquis. Mais peux-tu obéir jusqu'à la mort? Tu dois suivre jusqu'à la fin, sans considérer tes perspectives. Pas perdre la foi, quel que soit le milieu, peu importe ce qui se produit autour. Comme Job, obéis jusqu'à la mort, sois comme Pierre, plein d'amour suprême pour Dieu. Tu dois être comme Job, lorsque pauvre et souffrant dans sa chair, il ne renia pas le nom de l'Éternel. Sois comme Pierre, il aime à Dieu jusqu'à la mort, même sur la croix, jusqu'à son dernier pas perdre la foi, quel que soit le milieu, peu importe ce qui se produit autour. Comme Job, obéis jusqu'à la mort, sois comme Pierre, plein d'amour suprême pour Dieu. Pierre ne pensait pas à ce que l'avenir apporterait, à ses espoirs glorieux et pensées déraisonnables. Il ne cherchait qu'à aimer Dieu qu'il servait, obéissant à tous ses arrangements. Tu ne dois pas perdre la foi, quel que soit le milieu, peu importe ce qui se produit autour. Comme Job, obéis jusqu'à la mort, sois comme Pierre, plein d'amour suprême pour Dieu. Atteins cette norme, tu seras témoin, avant de devenir une personne rendue parfaite. Tu ne dois pas perdre la foi, quel que soit le milieu, peu importe ce qui se produit.